La délégation du ministère des Transports routiers et maritimes conduite par son ministre Kang Jong-wan a quitté le 6 courant Pyongyang par vol pour participer à la troisième conférence ministérielle de l'Asie-Pacifique sur le transport prévue à Moscou, Russie.